répète, brigadier, que monsieur le marquis ne peut pas vous recevoir. Il n'est pas encore levé. À 9 h? Il est vrai que le soleil se lève tard pendant la lune de miel. À quelle heure déjeune-t-on ici? À 11 h. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous mettrez un couvert de plus. Pour votre colonel. Oui, pour mon colonel. C'est le journal d'aujourd'hui? Oui, 15 février 1846. Donnez-le-moi. Je ne l'ai pas encore lu. Ah, vous ne voulez pas me donner le journal? Alors vous voyez bien que je ne peux pas attendre. Annoncez-moi. Qui, vous? Duc de Montméran. Le duc de Montméran? Oh, farceur! Tiens, c'est toi! Mon cher Hector, parbleu, je suis content de te voir. Oh, et moi donc? Ah, tu ne pouvais arriver plus à propos. À propos? Ouais, je te conterai ça. Oh, mon pauvre garçon, comme te voilà fait. Ouais. Qui reconnaîtrait sous cette casaque un des princes de la jeunesse, l'exemple et le parfait modèle des enfants prodigues? Mais après toi, mon bon, nous nous sommes rangés tous les deux. Toi, tu t'es marié, moi, je me suis fait soldat, et quoi que tu penses de mon uniforme, j'aime encore mieux mon régiment qu'elle tient. Bien obligé. Mais... oui, regarde là cette casaque. C'est le seul habit où l'ennui ne soit pas entré avec moi. Et ce petit ornement-là que tu feins de ne pas voir... Un galon de laine que j'ai ramassé dans la plaine d'Islay, mon bon. Pauvre Abdelkader. Eh oui, je suis heureux, j'aime mon métier. C'est le seul qui convienne à un gentilhomme ruiné. Enfin, tu es content, c'est l'essentiel. Et tu es à Paris pour longtemps? Pour un mois, pas plus. Tu sais comment j'ai arrangé ma vie, hein? Hein? Je ne t'ai pas dit. C'est très ingénieux. Avant de partir, j'ai placé chez un banquier les bribes de mon patrimoine, 100 000 francs environ, dont le revenu doit me procurer tous les ans 30 jours de mon ancienne existence. En sorte que j'ai 60 000 livres de rente pendant un mois de l'année, et 5 sous par jour pendant les 11 autres. J'ai naturellement choisi le carnaval pour mes prodigalités. Il a commencé hier, j'arrive aujourd'hui, et ma première visite est pour toi. Merci, mais j'entends que tu ne descends pas ailleurs que chez moi. Non, je ne voudrais pas te donner d'embarras. Mais tu ne m'en donneras aucun. Il y a justement dans l'hôtel un petit pavillon au fond du jardin. Oui, tiens, franchement, c'est pas toi que je crains de gêner, c'est moi. Mais oui, tu comprends, tu vis en famille, ta femme, ton beau-père... Ah oui, tu te figures, parce que j'ai épousé la fille de l'ancien marchand de draps, que ma maison est devenue le temple de l'ennui, que ma femme a apporté avec ses nippes une horde farouche de vertus bourgeoises, et qu'il ne reste plus qu'à écrire sur ma porte « Sigy, Gaston, Marquis de Presles ». Détrompe-toi, je mène un train de prince, je fais courir, je joue un jeu d'enfer... J'ai le premier cuisinier de Paris, oui, un drôle qui prétend descendre de Vatel. Oui, et qui prend son art au grand sérieux. Je tiens à table ouverte. Enfin, entre parenthèses, tu dîneras demain soir avec tous nos amis et tu verras comment je traite. Bref, le mariage n'a rien supprimé de mes habitudes. Rien. Que mes créanciers. Comment? Ta femme, ton beau-père, te laisse ainsi la bride sur le cou? Mais parfaitement. Ma femme est une petite pensionnaire, assez jolie, un peu gauche, un peu timide. Encore tout est bobby de sa métamorphose. Et qui, j'en jurerais, passe son temps à regarder dans son miroir la marquise de Presles. Quant à monsieur Poirier, mon beau-père, il est digne de son nom. Il est modeste et nourrissant, comme tous les arbres à fruits. Il était né pour vivre en espalier. Toute son ambition était de fournir au dessert d'un gentilhomme. Ses voeux sont exaucés. Bon, il y a encore des bourgeois de cette pâte-là. Pour te le peindre en un mot, c'est Georges Dandin à l'état de beau-père. Mais sérieusement, j'ai fait un mariage magnifique. Je pense bien que tu n'étais mes alliés qu'à bon escient. Je t'en fais juge. Tu sais dans quelle position je me trouvais. Orphelin à 15 ans, maître de ma fortune à 20, j'avais promptement exterminé mon patrimoine et m'étais mis en devoir d'amasser un capital de dette digne du neveu de mon oncle. Or, au moment où ce capital atteignait le chiffre de 500 000 francs, mon septuagénaire d'oncle ne s'avisait-il pas d'épouser une jeune personne romanesque dont il se croyait adoré? Corvisart l'a dit, à 70 ans, on a toujours des enfants. J'avais compté sans mes cousins, il me fallut décompter. Et tu passais à l'état de neveu honoraire. Je songeais à reprendre du service actif dans le corps des gendres. Et c'est alors que le ciel mit Monsieur Poirier sur mon chemin. Et où l'as-tu rencontré? Il avait des fonds à placer, cherchait un emprunteur. C'était une chance de nous rencontrer. Nous nous rencontrâmes. Je ne lui offrais pas assez de garantie pour qu'il file-moi son débiteur. Je lui en offrais assez pour qu'il file-moi son gendre. Mais je pris des renseignements sur sa moralité. Je m'informais que sa fortune venait d'une source honnête. Et ma foi, j'acceptais la main de sa fille. Oui. Avec quels appointements? Le bonhomme avait 4 millions. Il n'en a plus que 3. Un million de dot? Ah, mais mieux que ça, tu vas voir. Il s'est engagé à payer mes dettes. Et je crois même que c'est aujourd'hui que ce phénomène sera visible. Alors si, 500 000 francs. Il m'a remis, le jour du contrat de mariage, un coupon de rente de 25 000 francs. Si, 500 autres 1000 francs. Voilà le million, après. Après? Oui. Il a tenu à ne pas se séparer de sa fille. Et à nous défrayer de tout dans son hôtel. En sorte que logé, nourri, chauffé, voituré, servi, il me reste 25 000 francs pour l'entretien de ma femme et le mien. Mais c'est très joli. Ah, mais attendons. Encore? Il y a encore quelque chose? Il a racheté le château de Presles. Et je m'attends un de ces jours à trouver les titres de propriété sous ma serviette. Mais c'est un homme délicieux. Non, mais attendons. Non, encore? Après la signature du contrat, il est venu à moi, il m'a pris les mains, et avec une bonhomie touchante, il s'est confondu en excuses de n'avoir que 60 ans. Mais il m'a donné à entendre qu'il se dépêcherait d'en avoir 80. Et au surplus, je ne le presse pas. Il n'est pas méchant, le pauvre homme. Il se tient à sa place, se couche comme les poules, se lève comme les coqs, règle les comptes, veille à l'exécution de mes moindres désirs. C'est un intendant qui ne me vole pas. Je le remplacerai difficilement. Ah, décidément, tu es le plus heureux des hommes. Attendons. Quoi, non, mais encore. Tu pourrais croire qu'aux yeux du monde, mon mariage m'a délustré, m'a décati, comme dirait ce bon monsieur Poirier. Mais rassure-toi, je suis toujours à la mode. Je donne le ton. Les femmes m'ont pardonné. Et, comme j'avais l'honneur de te le dire, tu ne pouvais arriver plus à propos. Oui, pourquoi? Ah, tu me demandes pourquoi? Toi, mon témoin naturel, mon second obligé. Un duel? Un joli petit duel comme dans le bon temps. Non, mais... Eh bien, qu'en dis-tu? Est-il mort, ce marquis de Presles? Et faut-il songer à le porter en terre? Mais avec qui te bats-tu? Et à quel propos? Avec le vicomte de Pont-Grémeaux à propos d'une querelle de jeu. Oh, une querelle de jeu, alors ça peut s'arranger. Est-ce au régiment qu'on apprend à arranger des affaires d'honneur? Mais oui, tu l'as dit, c'est au régiment, c'est là qu'on apprend l'emploi du sang. Et tu ne me persuaderas pas qu'il en faille pour terminer une querelle de jeu. Et si cette querelle de jeu n'était qu'un prétexte? S'il y avait autre chose derrière? Une femme? Voilà. Une intrigue? Déjà? Oh, c'est pas bien. Ah, oh, mais que veux-tu? Un amour de l'an passé que je croyais mort de froid et qui, après mon mariage, a eu son été de la Saint-Martin. Ah, tu vois que ce n'est ni bien sérieux, ni bien inquiétant. Mais peut-on savoir... Ah, je n'ai pas de secret pour toi. Hmm? C'est la comtesse de Monger. La comtesse de... Hein? Disons, je t'en fais mon compliment, mais c'est furieusement grave. Enfin, j'avais songé lui faire la cour, mais j'ai reculé devant les périls d'une telle liaison. Ah, périls qui n'ont rien de chevaleresque. Tu n'ignores pas que la comtesse n'a pas de fortune personnelle. Vu qu'elle attend tout de son vieux mari et qu'il aurait le mauvais goût de la déshériter s'il lui découvrait une faiblesse. Je sais tout ça. Et de gaieté de cœur, tu as repris une pareille chaîne. Ah, oh, ben l'habitude, un reste d'amour, l'attrait du fruit défendu. Et le plaisir de couper l'herbe sous le pied à ce petit drôle de Pont-Grémeaux que je déteste. Bon, c'est bien de l'honneur que tu lui fais. Oh, mais comment est-ce qu'il m'agace les nerfs, ce petit monsieur qui se croit de noblesse d'épée parce que monsieur Grémeaux, son grand-père, était fournisseur aux armées. C'est vicomte, on ne sait comment ni pourquoi, et ça peut être plus légitimiste que nous. Ça se porte à tout moment champion de la noblesse, pour avoir l'air de la représenter. Si on fait une égratignure à un Montmorency, ça crie comme si on l'écorchait lui-même. Enfin bref, il y avait entre nous deux une querelle dans l'air. Elle a éclaté hier soir à une table de lance-canette. Il en s'acquitte pour un coup d'épée. Ce sera le premier qu'on aura reçu dans sa famille. T'a-t-il envoyé ses témoins? Non, non, je les attends. Tu m'assisteras à des grands lieux. Oh, c'est entendu. Et tu t'installes chez moi. C'est entendu aussi. Eh bien, soit. Ah, ça. Quoi qu'en carnaval, tu ne comparaissais déguisé en héros. Oh, non, non, non, je vais écrire de là-bas à mon tailleur. Pour ah, oh, attends, j'entends des voix. C'est mon beau-père, oui. Avec son ancien associé, là. Hubert Delay. Tu peux pas. C'est de la chance. Bonjour, monsieur Poirier. Bonjour, monsieur Verdelet. Bonjour. Monsieur, votre serviteur. Un de mes bons amis, mon cher monsieur Poirier. Le duc de Montméran. Brigadier aux chasseurs d'Afrique. À la bonne heure. Très honoré, monsieur le duc. Mais plus honoré que vous ne le pensez, monsieur Poirier. Monsieur le duc veut bien accepter l'hospitalité que je me suis empressé de lui offrir. Un rat de plus dans le fromage. Pardonnez-moi, monsieur, d'avoir accepté une invitation que mon ami Gaston m'a faite un peu étourdiment, peut-être. Monsieur le marquis, mon gendre, n'a pas besoin de me consulter pour installer ses amis chez moi. Les amis de nos amis... Mais très bien, monsieur Poirier. Oui, très bien. Hector occupera le petit pavillon du jardin. Est-il en état? J'y veillerai. Bon, je suis confus de l'embarras. Mais... Pas du tout. Monsieur sera trop heureux. Trop heureux. Vous aurez soin, n'est-ce pas, qu'on tienne aux ordres d'Hector le petit coupé bleu? celui dont je me sers habituellement. Non, alors je m'oppose. Ah, non. Non, il y a une place de fiacre au bout de l'arbre. Cassandre, ganache. Et maintenant, allons voir mes écuries. J'ai reçu hier un arabe dont tu me diras des nouvelles. Bien. Vous permettez, monsieur, Gaston est impatient de me montrer son luxe, je le conçois. C'est pour lui une façon de me parler de vous. Oh, monsieur le duc comprend toutes les délicatesses de mon genre. Oh, mais tu vas me gâter, mon beau-père. À propos, monsieur Poirier, vous savez que j'ai demain un très grand dîner. Est-ce que vous nous ferez le plaisir d'être des nôtres? Non, merci. Demain, je dînerai chez Verdelet. Oh, ça, monsieur Verdelet. Savez-vous bien que je vous en veux de m'enlever mon beau-père chaque fois que j'ai du monde ici? Impertinent. À mon âge, on gêne la jeunesse. Oh, j'ai honte. À votre aise, mon cher monsieur Poirier. Je trouve ton genre obséquieux avec toi. Tu me l'avais bien dit que tu saurais te faire respecter. Je fais ce qui me plaît. J'aime mieux être aimé que craint. Ça n'a pas toujours été ton principe. Du reste, tu as réussi. Ton gendre a pour toi des bontés familières qu'il ne doit pas avoir pour les autres domestiques. Au lieu de faire de l'esprit, mêle-toi de tes affaires. Je m'embelle, parbleu. Nous sommes solidaires ici. Nous sommes un peu comme les jumeaux siamois. Et quand je te vois te mettre à plat ventre devant ce marquis, j'ai de la peine à me tenir debout. À plat ventre, ce marquis? Crois-tu donc son titre me jette de la poudre aux yeux? J'ai toujours été plus libéral que toi, tu le sais bien, et je le suis encore. Le talent et la vertu sont les seules distinctions sociales que je reconnaisse, et devant lesquelles je m'incline. Diable! Ton gendre est donc bien vertueux. Oh, tu m'ennuies. Je ne suis pas que je lui fasse sentir qu'il me doit tout. Oh, il te prend sur le tard. Des délicatesses exquises. C'est le fruit de tes économies. Bon, voyons, Poirier. Je n'ai jamais approuvé ce mariage, tu le sais. J'aurais voulu que ma filleule épousât un brave garçon de notre bord. Mais puisque tu ne m'as pas écouté... Écoutez, monsieur, mais il ne manquerait plus que ça. Et pourquoi non pas? Oh, monsieur Verdelet, vous êtes un homme de bel esprit et de beaux sentiments. Vous avez lu des livres amusants. Vous avez sur toute chose des opinions particulières. Et en matière de sang commun, je vous rendrai des points. S'il s'agissait que de toi, je ne soufflerais mot. Pourquoi ne souffleriez-vous mot? Vous ne me portez donc aucun intérêt. Ça vous est égal qu'on me ruine, moi qui ai fait votre fortune. Mais qu'est-ce qui te prend? Même pas les ingrats. Oh, tu te rattrapes sur moi des familiarités de ton gendre. Je disais donc que s'il ne s'agissait que de toi, je prendrais ton mal en patience, n'étant pas ton parrain. Mais je suis celui de ta fille. J'ai fait un beau pas de clair en vous donnant ce droit sur elle. Et ma foi, tu aurais pu lui choisir un parrain qui l'aurait moins aimé. Oh oui, je sais, vous l'aimez mieux que je ne le fais moi-même. C'est votre prétention. Vous le lui avez persuadé à elle. Oh, nous retombons dans cette litanie, va-t'en. Oui, j'irai mon train. Croyez-vous qu'il me soit agréable de me voir expulsé par un étranger du cœur de mon enfant? Oh, là, pour toi, toute l'affection. N'est pas vrai, tu me supplantes. Elle n'a de tendresse et de câlinerie que pour toi. C'est que je ne lui fais pas peur, moi. Comment veux-tu que cette petite fille ait de l'épanchement pour un hérisson comme toi? Mais c'est toi. Elle ne sait pas où te prendre, tu es toujours en boule. Tu m'as réduit au rôle de père rabat-joie, en prenant celui de papa gâteau. Oh, c'est pas bien malin de se faire aimer des enfants quand on obéit à tous leurs caprices, sans se soucier de leurs véritables intérêts. Je les aimais pour soi, et non pour eux. Ah, doucement, Poirier. Quand les intérêts de ta fille ont été en jeu... Ces fantaisies n'ont rencontré de résistance que chez moi. Je l'ai assez contrarié, la pauvre toineau, à l'occasion de son mariage, tandis que tu l'y poussais bêtement. Elle aimait le marquis. Laissez-moi lire mon journal. Je viens vous dire que l'enfant avait le cœur pris. C'est toi qui lui as fait prendre. Tu as attiré Monsieur Leprel chez toi. Encore un d'arrivée. Monsieur Michaud, le propriétaire de Forges, est nommé pair de France. Qu'est-ce que ça me fait? Comment est-ce que ça te fait? Alors, il t'est indifférent de voir un des nôtres parvenir? De voir que le gouvernement honore l'industrie en appelant à lui ses représentants? N'est-ce pas admirable un pays et un temps où le travail ouvre toutes les portes? Tu peux aspirer à la pairie et tu te demandes ce que ça te fait. Dieu me garde d'aspirer à la pairie. Dieu garde surtout mon pays que j'y arrive. Mais pourquoi pas, monsieur Michaud, y est bien. Monsieur Michaud n'est pas seulement un industriel, c'est un homme du premier mérite. Le père de Molière était tapissier. Ce n'est pas une raison pour que tous les fils de tapissiers se croient poètes. Je te dis, moi, que le commerce est la véritable école des hommes d'État. Qui mettra la main au gouvernail? Sinon ceux qui ont prouvé qu'ils savaient mener leur barque. Bon, une barque n'est pas un vaisseau. Un batelier n'est pas un pilote. Et la France n'est pas une maison de commerce. J'en arrache quand je vois cette manie qui s'empare de toutes les cervelles. On dirait, ma parole, que dans ce pays-ci, le gouvernement est le passe-temps naturel des gens qui n'ont plus rien à faire. Un bonhomme comme toi et moi fait sa besogne pendant 30 ans. Il y arrondit sa pelote. Puis un beau jour, il ferme boutique et il s'établit homme d'État. Ça n'est pas plus difficile que ça, il n'y a pas d'autre recette. Mais morbleu, messieurs, que vous dites vous aussi, j'ai tant tonné de draps que je dois savoir jouer du violon. Je ne saisis pas le rapport. Au lieu de songer à gouverner la France, gouvernez votre maison. Ne mariez pas vos filles à des marquis ruinés qui croient vous faire honneur en payant leurs dettes avec vos écus. C'est pour moi que tu dis ça. Non, c'est pour moi. Bonjour, mon père. Comment allez-vous? Bonjour, parrain. Tu viens déjeuner avec nous? Oui. Tu es bien gentil. Oui, il est gentil. Qu'est-ce que je suis, moi, alors qu'il a invité? Vous êtes charmant. Oh, je suis charmant quand j'invite Verdelet. C'est agréable pour moi. Où est mon mari? À l'écurie. Où veux-tu qu'il soit? Mais est-ce que vous blâmez son goût pour les chevaux? Il sied bien un gentilhomme d'aimer les chevaux et les armes. Soit, mais j'aimerais qu'il aimât autre chose. Mais il aime les arts, la peinture, la poésie, la musique. Ce sont des arts d'agrément. Oh, tu voudrais qu'il aimât des arts de désagrément, peut-être. Qu'il joue du piano. C'est ça, c'est ça. Prends son parti devant toi, non? Pour te faire bien venir d'elle. Il me disait tout à l'heure que ton mari me ruine. Le disais-tu? Oui, mais tu n'as qu'à serrer les cordons de ta bourse. Oui, mais il est beaucoup plus simple que ce jeune homme s'occupe. Il me semble qu'il s'occupe beaucoup. Oh oui, à dépenser de l'argent du matin au soir. Je voudrais une occupation plus lucrative. Oh, mais laquelle? Il ne peut pourtant vendre du drap ou de la flanelle. Oh, il en est incapable. On ne lui demande pas tant de choses. Qu'il prenne seulement une position conforme à son rang. Une ambassade, par exemple. Oh, prendre une ambassade, ça ne se prend pas comme un rhume. Quand on s'appelle le marquis de Paël, on peut prétendre à tout. Mais on est obligé de ne prétendre à rien, mon père. C'est vrai, ton gendre a des opinions. Oh, il n'en a qu'une, c'est la paresse. Vous êtes injuste, mon père. Mon mari a ses convictions. À défaut de conviction, il a l'entêtement chevaleresque de son parti. Crois-tu que ton gendre renoncera volontiers aux traditions de sa famille pour le seul plaisir de renoncer à sa paresse? Tu ne connais pas mon gendre, Verdelet. Je l'ai étudié longtemps avant de lui donner ma fille. C'est un étourneau. La légèreté de son caractère le met à l'abri de toute espèce d'entêtement. Quant à ses traditions de famille, s'il y tenait beaucoup, il n'eût pas épousé Mademoiselle Poirier. C'est égal, il eût été prudent de le sonder à ce sujet avant le mariage. Tu es bête. Merci, merci. J'aurais eu l'air de lui proposer un marché. Il aurait refusé tout net. On n'obtient de pareilles concessions que par les bons procédés, par une obsession lente et insensible. Depuis 3 mois, il vit ici comme un coq en pâte. Je comprends. Tu as voulu graisser la girouette avant de souffler dessus. Tu l'as dit, Verdelet. Voyons. On est bien faible pour sa femme pendant la lune de miel, hein? Alors, si tu lui demandais ça gentiment, le soir, tout en déroulant tes cheveux. Oh, mon père! Ah, madame, c'est comme ça que madame Poirier m'a demandé de l'amener à l'opéra. Et je l'y ai amené dès le lendemain, n'est-ce pas, Verdelet? Mais ce que je sais, moi! Mais je te le dis, moi! Tu vois? Oh, je n'oserais jamais parler à mon mari de choses si graves. Mais ta dot peut cependant te donner voix au chapitre! Oh, il lèverait les épaules, il ne me répondrait pas. Il lève les épaules quand tu lui parles? Non. Mais... Oh, tu baisses les yeux. Il paraît que ton mari te traite un peu légèrement, hein? C'est ce que j'ai toujours craint. Est-ce que tu as de plaindre de lui? Non, mon père. Est-ce qu'il ne t'aime pas? Je ne dis pas cela. Bah, qu'est-ce que tu dis alors? Rien. Voyons, mon enfant. Allez, explique-toi, franchement, avec tes vieux amis. Hein? Nous ne sommes créés et mis au monde que pour veiller sur ton bonheur. À qui le confieras-tu si tu te caches de ton parrain? Et de ton père. De ton père. Tu as du chagrin. Je n'ai pas le droit d'en avoir. Mon mari est très doux et très bon. Eh bien alors? Est-ce que ça suffit? Il est doux, il est bon, mais il ne fait plus guère attention à toi qu'à une jolie poupée. N'est-ce pas? C'est ma faute. Je suis timide avec lui. Je n'ose lui ouvrir ni mon esprit ni mon cœur. Je suis sûre qu'il me prend pour une pensionnaire qui a voulu devenir marquise. C'est imbécile. Que t'expliques-tu à lui? Mais j'ai déjà essayé plusieurs fois. Mais le ton de sa première réponse était en tel désaccord avec sa pensée que je n'osais plus continuer. Il y a des confidences qui veulent être encouragées. L'âme a sa pudeur. Tu dois comprendre cela, mon bon Tony. Mais moi, est-ce que je ne le comprends pas? Mais vous aussi, mon père. Oh, comment dire à Gaston que ce n'est pas son titre qui m'a plu, mais la grâce de ses manières et de son esprit, son humeur chevaleresque, son dédain des mesquineries de la vie. Comment lui dire enfin qu'il est l'homme de mes rêveries, si au premier mot il m'arrête par une plaisanterie? Oh, bah, si plaisante, c'est qu'il est gai ce garçon. Non, c'est que sa femme l'ennuie. Tu ennuies ton mari? Hélas, j'en ai peur. Parbleu, c'est pas toi qui l'ennuies, c'est son oisiveté. Un mari n'aime pas longtemps sa femme quand il n'a autre chose à faire que de penser à elle. Est-ce vrai, Tony? Mais puisque je te le dis, tu n'as pas besoin de consulter Verdelet. Je crois, en effet, que la passion s'épuise vite et qu'il faut l'administrer comme la fortune avec économie. Un homme a des besoins d'activité qui veulent être satisfaits à tout prix et qui s'égarent dès qu'on leur barre le chemin. Une femme doit être la préoccupation et non l'occupation de son mari. Pourquoi ai-je toujours adoré ta mère? C'est parce que j'avais jamais le temps de penser à elle. Ton mari a 24 heures par jour pour t'aimer. C'est trop de doses. Vous m'ouvrez les yeux. Qu'il prenne un emploi et les choses rentreront dans l'ordre. Qu'en dis-tu, Tony? Puisque je te le dis, tu n'as pas besoin de consulter Verdelet. C'est drôle, ça, c'est le même. Toujours. C'est possible. C'est possible, mais le tout, c'est de le faire consentir. Oui. Eh bien... J'attacherai le grelot. Ah non, non, non. Soutenez-moi bien tous les deux. Tu comptes aborder le sujet tout de suite? Après déjeuner. Oui, j'ai observé que monsieur le marquis a la digestion gaie. Ma chère Antoinette, le duc de Montmeyran, ce n'est pas un inconnu pour vous. Oh, en effet, monsieur. Gaston m'a tant de fois parlé de vous que je crois serrer la main à un ancien ami. Vous ne vous trompez pas, madame. Vous me faites comprendre qu'un instant peut suffire pour improviser une vieille amitié. Charmante, ta femme. Ah oui, elle est gentille. Ma chère Antoinette, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Hector vient demeurer avec nous pendant tout son congé. Oh, que c'est aimable à vous, monsieur. J'espère que ce congé est long. Un mois et je retourne en Afrique. Vous donnez là un noble exemple, monsieur le duc. C'est bien à vous de ne pas avoir considéré l'oisiveté comme un héritage de famille. Une pierre dans mon jardin. Il finira par le pavé, ce bon monsieur Verdelet. Je viens d'apporter ce tableau pour monsieur le marquis. Mettez-le sur sa chaise. C'est bien, là, oui. Viens voir ça, mon bureau. Venez, Antoinette. C'est charmant. Charmant. Ne trouvez-vous pas, madame? Ah oui, charmant. Et comme c'est vrai que tout cela est calme et recueilli, on aimerait à se promener dans ce paysage silencieux. Père de France. Regarde cette bande de couleur verte qui court entre les tons orangés de l'horizon et le bleu froid du reste du ciel. Comme c'est rendu. Et ce premier plan, quelle pâte, quelle solidité. Et le miroitement presque imperceptible de cette flaque d'eau sous le feuillage. Comme c'est joli. Voyons ça, Verdelet. Eh bien, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, ça représente 9h du soir en été dans les champs. C'est écrit en dessous. C'est pas intéressant ce sujet-là, ça ne dit rien. J'ai dans ma chambre une gravure qui représente un chien au bord de la mer... aboyant devant un chapeau de matelot. Oh, à la bonne heure, ça se comprend, c'est simple et touchant. Eh bien, monsieur Poirier, puisque vous aimez les tableaux touchants, je vais vous en faire faire un d'après un sujet que j'ai pris moi-même sur nature. Il y avait sur une table un petit oignon coupé en quatre. Vous savez, un pauvre petit oignon blanc. Le couteau était à côté. C'était rien, mais ça vous tirait les larmes des yeux. Il se moque de toi. Oh, laisse-le faire. De qui est ce paysage? Oh, d'un inconnu qui n'a pas le sou et plein de talent. Combien avez-vous payé ça? 25 louis. 25 louis? Le tableau d'un inconnu qui meurt de faim? Mais à l'heure du dîner, vous l'auriez eu pour 25 francs. Oh, vous faites. Ah, ben voilà une générosité bien placée. Enfin, monsieur Poirier, trouveriez-vous mauvais qu'on protège les arts? Oh, qu'on protège les arts, soit. Mais les artistes, oh non, sont tous des débauchés, des fainéants. On raconte d'eux des choses qui donnent la chair de poule, que je ne me permettrai pas de répéter devant ma fille. Quoi donc? Mon cher, mais on dit que... Tu crois ce chauve-là? Je l'ai entendu dire à des gens qu'ils savaient. Madame la marquise est servie. Ah, vous montrez une fiole de mon pommard de 1811. Année de la comète, monsieur le duc. 15 francs la bouteille. Le roi n'en boit pas de meilleur. Tu n'en boiras pas, dis-moi non plus. 15 francs la bouteille en rendant le verre, mon bon. Il se moque toujours de toi et tu le souffres. Il faut être coulant en affaires. Quoi, vous ne me dites rien, si ce n'est pas... Eh bien, mon cher Éclat, dans l'étude. Voilà la maison. Et c'est ainsi tous les jours que Dieu fait. Crois-tu qu'il y ait au monde un homme plus heureux que moi? Ah, ma foi, j'avoue que je te porte envie. Merci. Tu me réconcilies avec le mariage. Quel charmant jeune homme que monsieur de Montméran. Il me plaît beaucoup. Ah. Monsieur Poirier, il faut que je vous le dise une bonne fois, vous êtes un homme excellent. Croyez bien que vous n'avez pas affaire à un ingrat. Monsieur le marquis... Appelez-moi donc Gaston, que diable. Et vous, monsieur Verdelet, savez-vous bien que j'ai plaisir à vous voir? Il est de la famille, mon ami. Il a touché dans là, mon oncle. Touché là, mon neveu. Monsieur Poirier, j'ai un poids sur la conscience. Vous ne songez qu'à faire de ma vie une fête de tous les instants. Ne m'offrirez-vous jamais une occasion de m'acquitter? Mais tâchez donc une fois de désirer quelque chose qui soit en mon pouvoir. Eh bien, puisque vous êtes dans si bonne disposition... accordez-moi un quart d'heure d'entretien. Je veux avoir avec vous une conversation sérieuse. Oh, alors je me retire. Au contraire, monsieur, faites-nous l'amitié de rester. Nous allons tenir en quelque sorte un conseil de famille. Vous n'êtes pas trop, non plus que Verdelet. Un conseil de famille? Mais mon cher beau-père, est-ce que vous songeriez à me faire interdire? Pas hasard. Dieu m'en garde, mon cher Gaston. Asseyons-nous. La parole est à monsieur Poirier. Vous êtes heureux, mon cher Gaston. Vous le dites, et c'est ma plus douce récompense. Mais je ne demande qu'à doubler la gratification. Mais voilà bientôt 3 mois donnés aux douceurs de la lune de miel. La part du roman me semble suffisante. Et je crois l'instant venu de penser à l'histoire. Palsambleu, monsieur Poirier, vous parlez comme un livre. Pensons à l'histoire, je le veux bien. Que comptez-vous faire? Aujourd'hui? Aujourd'hui et demain, et à l'avenir. Vous devez avoir une idée. Non, sans doute, mon plan est arrêté. Je compte faire aujourd'hui ce que j'ai fait hier, demain ce que j'aurais fait aujourd'hui. Je ne suis pas un esprit versatile, malgré mon air léger. Et pourvu que l'avenir ressemble au présent, je me tiens satisfait. Cependant, vous êtes trop raisonnable pour croire à l'éternité de la lune de miel. Trop raisonnable, vous l'avez dit, monsieur Poirier, et trop ferré sur l'astronomie. Vous n'êtes pas sans avoir lu Henri Heine, n'est-ce pas? Henri Heine? Oui. Ah oui. Tu dois avoir lu ça, toi, Verdelet. Je l'ai lu, j'en conviens. Cet animal-là a passé sa vie à faire l'école buissonnière. Eh bien, Henri Heine, interrogé sur le sort des vieilles pleines lunes, répond qu'on les casse pour en faire des étoiles. Je ne saisis pas. Eh bien, lorsque notre lune de miel sera vieille, nous la casserons et il y aura là de quoi faire toute une voie lactée. L'idée est sans doute fort gracieuse. Oh, elle n'a de mérite que son extrême simplicité. Non, mais sérieusement, mon gendre, la vie un peu oisive que vous menez ne vous semble-t-elle pas funeste au bonheur d'un jeune ménage? Nullement. Un homme de votre valeur ne peut pas se condamner au désœuvrement à perpétuité. Avec de la résignation. Mais ne craignez-vous pas que l'ennui vous gagne, mon ami? Vous vous calomniez, ma chère. Je n'ai pas la vanité de croire que je puisse remplir votre existence tout entière. Mais je l'avoue, je serais heureuse de vous voir suivre l'exemple de Monsieur de Montméran. Me conseillez-vous de m'engager, par hasard? Non, certes. Mais pardon. Nous voudrions vous voir prendre une position digne de votre nom. Il n'y a que trois positions que mon nom me permette. Soldat, évêque ou laboureur. Choisissez. Nous nous devons tous à la France. La France est notre mère. Et notre oui, mère... Oui, je comprends le chagrin d'un fils qui voit sa mère se remarier. Je comprends qu'il n'assiste pas à la noce. Mais s'il a du cœur, il ne boudera pas sa mère. Et si le second mari la rend heureuse, il lui tendra bientôt la main. L'abstention de la noblesse ne peut durer éternellement. Elle commence elle-même à le reconnaître, et déjà plus d'un grand nom a donné l'exemple. Voyez, monsieur de Valchevrière. Monsieur de Chazerolles. Ah, monsieur de Montlouis. Monsieur de Montlouis. Ces gens-là ont fait ce qu'il leur a convenu de faire. Je ne les juge pas, mais il ne m'est pas permis de les imiter. Mais pourquoi, mon ami? Demandez à Montméran. L'uniforme de monsieur le duc répond pour lui. Oh, donc, permettez, le soldat n'a qu'une opinion, le devoir, qu'un adversaire, l'ennemi. Ah, pourtant, monsieur, on pourrait vous répondre. T'es prison là, monsieur Barrier. Il n'est pas question ici de politique. Les opinions se discutent, les sentiments ne se discutent pas. Je suis lié par la reconnaissance. La fidélité est celle d'un serviteur et d'un ami. Plus un mot là-dessus. Non, je te demande pardon, mon cher. La première fois qu'on parle politique ici, je te promets bien que ce sera la dernière. On vous a fait faire une maladresse, madame. Oh, monsieur, je le sens trop tard. Te voilà dans le beau drap. Le premier assaut a été repoussé, mais je ne lève pas le siège, malgré les apparences. Sans rancune, monsieur Poirier. Je me suis exprimé un peu vertement, mais j'ai l'épiderme délicat à cet endroit. Et sans le vouloir, j'en suis certain... Vous m'avez égratigné. Je ne vous en veux pas. Touchez-la. Vous êtes bien beau. Il y a dans le petit salon des gens qui prétendent avoir rendez-vous avec M. Poirier. Ah oui, priez-les de m'attendre un peu. Vos créanciers, mon gendre. Oh, les vôtres, mon cher beau-père. Je vous les ai donnés en cadeau de noces. Adieu, M. le marquis. Vous nous quittez déjà? Oh, le mot est aimable. Antoinette m'a donné une petite commission. Commission? Tiens, laquelle? C'est un secret entre elle et moi. Un secret? Mais savez-vous bien que si j'étais jaloux... Mais vous l'êtes pas. Est-ce un reproche? Eh bien, je veux être jaloux. Monsieur Verdelet, au nom de la loi, je vous enjoins de me dévoiler ce mystère. À vous, moins qu'à personne. Et pourquoi cela, s'il vous plaît? Vous êtes la main droite d'Antoinette et la main droite doit ignorer... Ce que donne la gauche, vous avez raison. J'ai été indiscret, je me mets à l'amende. Tenez, voilà. Joignez mon offrande à la vôtre, ma chère enfant. Merci pour mes pauvres. Comme il y va. Voulez-vous me permettre de vous voler aussi un peu de bénédiction? Bon, elle est bien légère, mais c'est l'obole du brigadier. Offerte par le cœur d'un duc. Elle n'a pas le sou et s'appelle l'aumône. Et toi, Poirier, n'ajouteras-tu rien à ma récolte? Moi, j'ai donné 1000 francs au bureau de bienfaisance. Oh, à la bonne heure. Adieu, messieurs. Votre charité ne figurera pas sur les listes du bureau. Mais elle n'en est pas plus mauvaise. À bientôt. Je vais payer vos créanciers. Ça, monsieur Poirier, parce que ces gens-là m'ont prêté de l'argent, ne vous croyez pas tenu d'être poli avec eux? Ce sont d'abominables coquins. Tu as dû les connaître, Hector. Le père Salomon, monsieur Chevassu, monsieur Cogne. Si je les ai connus, ce sont les premiers arabes que j'ai dû affronter. Ils me prêtaient à 50%. Oui, vous donniez deux, comme disaient nos pères. Quel brigandage à 50%! Et vous aviez la sottise de vos parents. Pardon, monsieur. Mais que voulez-vous, monsieur? 10 000 francs au denier 2 font encore plus d'usage que rien du tout à 5%. Monsieur, il y a des lois contre l'usure. Mais les usuriers les respectent et les observent. Ils ne prennent qu'un intérêt légal. Puis seulement on leur fait un billet et on ne touche que moitié en espèces. Et le reste? Le reste? On le touche en lézard empaillé, comme du temps de Molière. Oui, car les usuriers ne progressent plus. Sans doute pour avoir atteint la perfection tout d'abord. Comme les Chinois. J'aime à croire, mon gendre, que vous n'avez pas emprunté un ston. J'aimerais à le croire aussi, beau-père. À 50%? Et ni plus ni moins. Et vous avez touché des lézards empaillés? Oh, beaucoup, oui. Oh, mais que ne m'avez-vous dit ça plus tôt? Avant votre mariage, j'aurais obtenu une transaction. C'est justement ce que je ne voulais pas. Il ferait beau voir que le marquis de Presles racheta sa parole au rabais et fit lui-même cette insulte à son nom. Cependant, si vous ne devez que moitié... Je n'ai reçu que moitié. Mais je dois le tout. Ce n'est pas à ces voleurs que je le dois, c'est à ma signature. Non. Permettez, monsieur le marquis, je me crois honnête homme. Je n'ai jamais fait tort d'un sou à personne. Je suis incapable de vous donner un conseil indélicat. Mais il me semble qu'en remboursant ces drôles de leur débourser réel et en y ajoutant les intérêts composés à 6%, vous auriez satisfait à la plus scrupuleuse probité. Il ne s'agit pas ici de probité. C'est une question d'honneur. Et quelle différence faites-vous entre les deux? L'honneur est la probité du gentilhomme. Ainsi, nos vertus changent de nom quand vous voulez bien les pratiquer. Vous les décrassez pour vous en servir. Je m'étonne d'une chose, c'est que le nez d'un noble daigne s'appeler comme le nez d'un bourgeois. C'est que tous les nez sont égaux. Enfin, à 6 pouces près. Voyez-vous donc que les hommes ne le soient pas? La question est grave. Elle est résolue depuis longtemps, monsieur le marquis. Nos droits sont abolis, mais non pas nos devoirs. De tous nos privilèges, il ne nous reste que 2 mots. Mais 2 mots que nulle main humaine ne peut rayer. Noblesse oblige. Et quoi qu'il arrive, monsieur, nous serons toujours soumis à un code plus sévère que la loi. À ce code mystérieux que nous appelons l'honneur. Eh bien, monsieur le marquis, il est heureux pour votre honneur que ma probité paie vos dettes. Seulement, comme je ne suis pas gentilhomme, je vous préviens que je vais tâcher de m'en tirer au meilleur marché possible. Oh, vous serez bien fin si vous faites lâcher prise à ces bandits. Ce sont d'abominables coquins. J'ai mon idée, je vais leur jouer un tour de ma façon, là. Je ne veux pas les irriter en les faisant attendre plus longtemps. Oh non, diable, ils vous dévoreraient. Oh, je suis coriace. Pauvre monsieur Poirier, cette révélation va lui gâter tout le plaisir qu'il se faisait de payer mes dettes. Écoute donc, ils sont rares les gens qui savent se laisser voler. C'est un art de grand seigneur. Messieurs de Ligny et de Chazerolles demandent à parler à monsieur le marquis de la part de monsieur de Pontgrimaud. C'est bien. Va recevoir ces messieurs à ma place, Hector. Ta femme. Tu n'as pas besoin de moi pour arranger la partie. Une partie? Oui, j'ai gagné une grosse somme hier à Pontgrimaud et je lui ai promis sa revanche. Que ce soit demain, dans l'après-midi. Mais quand en verrai-je? Madame de Monger m'attend à 3 heures chez elle, et bien à 5 heures ici. Venez-vous aux Italiens ce soir? Oh oui, si vous y allez. J'y vais. Quelle robe mettez-vous? Celle qui vous plaira. Ça m'est égal. Je veux dire, vous êtes jolie avec toutes. Vous qui avez si bien le sentiment de l'élégance, mon ami, vous devriez me donner des conseils. Je ne suis pas un journal de mode, ma chère enfant. Au surplus, vous n'avez qu'à regarder les grandes dames et à prendre modèle. Voyez, Madame de Nant, Madame de Villepreux. Madame de Monget. Pourquoi Madame de Monget plus qu'une autre? Parce qu'elle vous plaît plus qu'une autre. Où prenez-vous cela? L'autre soir, à l'opéra, vous lui avez fait une longue visite dans sa loge. Elle est très jolie. A-t-elle de l'esprit? Beaucoup. Pourquoi ne m'avertissez-vous pas quand je fais quelque chose qui vous déplaît? Je n'y ai jamais manqué. Oh, vous n'avez jamais fait de remontrance. Mais c'est donc que vous n'avez jamais rien fait qui m'ait déplu. Sans aller bien loin tout à l'heure, en insistant pour que vous prissiez un emploi, je vous ai froissé. Oh, je n'y pensais déjà plus. Mais si j'avais su à quel sentiment respectable je me heurtais... En vérité, ma chère enfant, on dirait que vous me faites des excuses. Mais c'est que j'ai peur que vous n'attribuiez à une vanité puérile. Eh bien, quand il y aurait un peu de vanité, le grand crime? Mais je n'en ai pas, je vous jure. Alors, c'est que vous êtes sans défaut, car je ne vous envoyais pas d'autre. Savez-vous bien que vous avez fait la conquête de Montméran? Il y a là de quoi être fier. Hector est très difficile. Moins que vous. Vous me croyez difficile? Ah. Vous voyez bien que vous avez de la vanité. Je ne me fais pas de vision sur moi-même. Je sais tout ce qui me manque pour être digne de vous. Mais si vous vouliez vous donner la peine de diriger mon esprit, de l'initier aux idées de votre monde, je vous aime assez pour me métamorphoser. Je ne pourrais que perdre à la métamorphose, madame. Je serais d'ailleurs un bien mauvais instituteur. Il n'y a qu'une école où l'on apprenne ce que vous croyez ignorer. C'est le monde. Étudiez-le. Oui, je prendrai modèle sur Madame de Mongeais. Encore ce nom? Me feriez-vous l'honneur d'être jalouse? Prenez garde, mon cher. Voilà un sentiment des plus bourgeois. Apprenez, puisque vous me permettez de faire le pédagogue, apprenez que dans notre monde, le mariage n'est pas le ménage. Nous ne mettons en commun que les choses nobles et élégantes de la vie. Ainsi, quand je suis loin de vous, ne vous inquiétez pas de ce que je fais. Dites-vous seulement, il fatigue ses défauts pour m'apporter une heure de perfection. Ou à peu près. Je pense que votre plus grand défaut, c'est votre absence. Le madrigal est joli. Je vous en remercie. Ah, il y en a un de vos créanciers. Vous ici, monsieur Chevassier? Vous vous êtes trompé de porte, l'escalier de service est de l'autre côté. Je ne voulais pas sortir sans vous voir, monsieur le marquis. Ces messieurs qui étaient avec moi auraient eu le même désir, mais ils ne sont pas entrés par modestie, et je viens de leur part. Dites-leur que je les tiens quitte de leurs remerciements. Pardon, en leur nom et au mien, je viens chercher les vôtres. Que ça dit, hein? Vous nous avez assez longtemps traités de gobsec, de gripsou et de fesses Mathieu. Je ne vous en fais pas mes excuses. Et je suis bien aise de vous dire que nous sommes d'honnêtes gens. Oh, quelle est cette plaisanterie? Ce n'est pas une plaisanterie. C'est un fait. Nous vous avons prêté notre argent au taux du commerce. Comment dites-vous? À 6%, pas davantage. Mes billets n'ont-ils pas été acquittés intégralement? Oh, il s'en faut d'une bagatelle. Expliquez-vous, je vous en prie. Comme qui dirait 218 000 francs, oui. Il a fallu en passer par là ou tout perdre. Votre beau-père voulait absolument qu'on vous mitte à la prison de Clichy. Mon beau-père voulait... Oui. Il paraît que vous lui en faites voir de cruel à ce brave homme. Je sais pas que je le plaigne. Et au surplus, il a commis une sottise qui ne lui coûtera jamais assez. Mais en attendant, elle nous coûte cher, à nous. Votre père a commis là, madame, une action indigne. Je reste votre débiteur et celui de ces messieurs. J'ai 25 000 livres de rente. Moi, vous savez bien que vous n'y pouvez pas toucher sans le consentement de votre femme. Nous avons vu le contrat. On vous a lié les mains. Et puis, vous ne rendez pas votre femme assez heureuse. Vous sentez ! Doucement ! On ne chasse pas comme des chiens d'honnêtes gens dont on est l'obligé, qui ont cru que la signature du marquis de Presles valait quelque chose et qui se sont trompés. Vous ne vous êtes pas trompés, monsieur, vous êtes tous payés. Allez maintenant dehors. Oh, mais trop bon, monsieur le marquis. Oh, mais mille fois trop bon. Et toujours à votre service, monsieur le marquis et madame. Oh. Tiens, toi, je t'adore. Cher Gaston. Mais où diable ton père a-t-il pris le cœur qu'il t'a donné? Oh, ne jugez pas mon père trop sévèrement, mon ami. Il est bon et généreux. Mais il a les idées étroites et ne connaît que son bon droit. C'est la faute de son esprit et non celle de son cœur. Enfin, mon ami, si vous jugez que j'ai fait mon devoir à propos, pardonnez à mon père ce moment d'angoisse. J'aurais mauvaise grâce à vous rien refuser. Vous ne lui ferez pas mauvais visage, bien sûr. Non, puisque c'est votre bon plaisir, ma chère marquise. Marquise, entendez-vous? Appelez-moi votre femme. C'est le seul titre dont je puisse être fière. Vous m'aimez donc un peu? Vous ne vous en étiez donc pas aperçu, ingrat? Si fait. J'ai plaisir à vous l'entendre dire, surtout dans ce moment-ci. 3 heures. Madame de Mongeais qui m'attend chez elle. À quoi pensez-vous en souriant? Voulez-vous faire un tour de promenade au bois avec moi? Oh, certainement. Eh bien, mon gendre, vous avez vu vos créanciers? Oui, monsieur. Non, rappelez-vous votre promesse. Oui, cher beau-père. Je les ai vus. Permettez-moi de vous témoigner toute mon admiration pour votre habileté. Vous avez joué ces drôles-là à sous-jambe. Je suis gentil. Ben, vous prenez la chose mieux que je ne l'espérais. J'étais préparé à de fières ruades de votre honneur. Je suis raisonnable. Vous avez agi selon vos idées. Je le trouve d'autant moins mauvais que cela ne nous a pas empêchés d'agir selon les nôtres. Quoi? Vous n'avez payé à ces faquins que leurs créances réelles. Nous avons soldé le reste. Comment? Tu as signé? Oh, Dieu du ciel, mais qu'as-tu fait là? Oh, je mets la cervelle à l'envers pour te trouver une somme rondelette et tu la jettes par les fêtes. 218 000 francs! Je ferai faire, monsieur Poirier. C'est nous qui les perdons, c'est vous qui les gagnez. Adieu, mon père. Nous allons au foie. Donnez-moi le bras. Ma femme. Oh! Mais il m'ennuie, mon gendre! Je vois bien qu'il n'y a rien à faire avec lui. Ce garçon l'amourra dans la gentilhommerie finale. Il n'est bon à rien, il est le maître chez moi, il ne veut rien faire, il me coupe les yeux de la tête. Il faut que ça finisse. Faites monter le portier, le cuisinier. Ah, nous allons voir, mon gendre. J'ai assez fait le gros dos et la patte de velours. Vous ne voulez pas faire de concession, mon bon ami? À votre aise, je n'en ferai pas plus que vous. Restez marquis, je redeviens bourgeois. J'aurai du moins le contentement de vivre à ma guise. Monsieur m'a fait demander. Oui, François, monsieur vous a fait demander. Vous allez mettre sur le champ les criteaux sur la porte. Les criteaux? Oui, allouer présentement au premier étage un magnifique appartement avec écurie hermise. L'appartement de monsieur le marquis? Vous l'avez dit, François. Enfin, monsieur le marquis n'a pas donné d'ordre. Qui est le maître ici, imbécile? À qui est l'hôtel? À vous, monsieur. Alors, faites ce que je vous dis, sans réflexion. Oui. Allez, François. Ah, monsieur Bastien. Vous préparez un grand dîner pour demain. Oui, monsieur. Et j'ose dire que le menu ne serait pas désavoué par mon illustre aïeul. Ce sera véritablement un objet d'art. Et monsieur Poirier sera étonné. Avez-vous le menu sur vous? Non, monsieur. Il est à la copie. Ah, il est à la copie. Oui. Il est à la copie. Mais je le sais par cœur. Oh, alors veuillez me le réciter. Le potage au ravioles à l'italienne et le potage à l'orge à la Marie Stuart. Nous remplacerons ces deux potages inconnus par la bonne soupe bien grasse avec des légumes sur une assiette. Comment, monsieur? Je le veux, continuer. Relevez. La carpe du Rhin à la lituanienne. Les poulardes à la Godard, le filet de bœuf braisé au raisin à la napolitaine, le jambon de Westphalie rôti madère. Voici un relevé plus simple et plus sain. La barbue sauce au capre, le jambon de Bayonne aux épinards, le fricandeau à l'oseille, le lapin sauté. Mais monsieur Poirier, je ne consentirai jamais. Je suis le maître ici, entendez-vous? Continuez. Entrez. Les filets de volaille à la Concordat. La croustade de truffe, garnie de foie à la Royale. Le faisan étoffé à la Montpensier. Les perdreaux rouges farcis à la Bohémienne. Oui, eh bien, à la place de ces entrées, nous ne mettrons rien du tout. Et nous passerons tout de suite au rôti. C'est contre tous les préceptes de l'art. Je prends ça sur moi, voyons vos rôtis. C'est inutile, monsieur. Mon aïeul s'est passé son épée au travers du corps pour un moindre affront. Je vous donne ma démission. Oh! J'allais vous la demander, mon bon ami. Mais comme on a 8 jours pour remplacer un domestique... Un domestique? Monsieur, je suis un cuisinier. Eh bien, je vous remplacerai par une cuisinière. En attendant, vous êtes pour 8 jours encore à mon service et vous voudrez bien exécuter le menu. Je me brûlerai la cervelle plutôt que de manquer à mon nom. Encore un qui tient à son nom. Brûlez-vous la cervelle, monsieur Vatel, mais ne brûlez pas mes sauces. Bien le bonjour. Maintenant, allons écrire quelques invitations à mes bons camarades de la rue des Bourdonnais. Monsieur le marquis Gaston de Presles, on va vous couper vos talons rouges. Quoi, ne me dites rien, mon ami.